Vous écoutez CKRL, toujours au 89.1, et nous allons terminer l'émission avec Benjamin Alès, notre docteur en épidémiologie nutritionnelle, j'espère que je le dis bien. Il s'est intéressé aux pays qu'on dit être en transition économique et technologique, mais ces pays sont aussi en transition nutritionnelle. Là-bas, dans ces pays-là, l'obésité gagne du terrain. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Donc, si on évoque la situation nutritionnelle des pays en transition économique en Moyen-Orient ou en Afrique, par exemple, on a plus tendance à penser à des images de famine. C'est vrai. Mais cette image, elle est vraiment en train de changer, car dans ces pays, on observe une hausse alarmante de la proportion de personnes en surpoids et obèses. En fait, dans la seconde moitié du XXe siècle, ce phénomène y touchait plus particulièrement nos sociétés occidentales. Mais maintenant, avec cette transition économique dans ces pays-là, on a aussi un phénomène d'une forte transition nutritionnelle. Mais c'est d'autant plus surprenant parce que quand on parle d'obésité, on cite souvent en exemple les États-Unis, bon, qui sont particulièrement concernés par ce problème. Et donc là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, les pays émergents sont aussi touchés. Oui. Alors, il y a de nombreuses études qui s'intéressent maintenant aux facteurs qui peuvent influencer l'augmentation de la proportion de personnes en surpoids ou obèses dans la population de ces pays dont certains sont dits émergents. Donc récemment, il y a une étude économique d'envergure qui a été réalisée par deux chercheurs anglais et qui a permis d'obtenir des résultats sur plus de 1 million de femmes dans quatre grandes zones géographiques en transition économique, qui sont l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient. En fait, ces zones, elles ont été regroupées par les chercheurs par pays pour lesquels on avait suffisamment de données économiques, mais aussi sur le mode de vie et aussi la santé. Et donc, parmi les zones étudiées, la plus touchée par la transition nutritionnelle et en particulier l'obésité chez les femmes était le Moyen-Orient. Donc, dans cette étude, ça incluait l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Turquie. Et en fait, dans cette zone, on voit la proportion de femmes obèses doubler en à peine 20 ans pour se rapprocher de celle des États-Unis en 2009. Donc, dans ces pays-là, au Moyen-Orient, la proportion de femmes obèses a doublé en 20 ans et se rapproche de celle des États-Unis en 2009, s'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est quand même assez alarmant, oui. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette forte augmentation de l'obésité chez les femmes au Moyen-Orient s'est faite sur une période bien plus courte et avec une bien plus faible ampleur de l'augmentation du niveau économique que pour les États-Unis. Autrement dit, le Moyen-Orient ne cesse d'améliorer sa situation économique et d'accélérer sa transition technologique à un rythme bien plus rapide que ce qu'ont fait les États-Unis. Et donc, si l'obésité suit le mouvement, on pourrait faire face à un phénomène bien plus grave qu'aux États-Unis. Pire qu'aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que ce serait intéressant de comprendre dans ces pays quels sont les facteurs qui influencent l'obésité chez les femmes. Oui, exactement. Et c'est ce qu'ont tenté de faire les chercheurs de cette étude en considérant deux grands types de facteurs. Les facteurs qui sont liés au développement économique et les facteurs qui sont liés à des changements d'urbanisme et technologiques. Donc tout d'abord, il faut préciser que dans ces zones géographiques en transition économique, on distingue deux types de pays en fonction de leurs revenus. Les pays à bas revenus et les pays à moyen revenu. En fait, les hypothèses et les résultats varient selon le groupe moyen ou bas revenu. Donc c'est une donnée importante. Donc les auteurs ont pu vérifier qu'il existe une corrélation positive entre le revenu par personne et l'obésité, mais avec un effet de seuil. Donc, c'est-à-dire que plus le revenu des personnes augmente, plus la fréquence de l'obésité augmente, mais jusqu'à un certain seuil de revenu. Et après ce seuil, on observe même une légère baisse de l'obésité. D'accord. Souvent, on dit que le revenu par personne, c'est lié au niveau d'études, à la scolarité. Est-ce que les chercheurs ont aussi regardé cette variable ? Alors oui, les chercheurs se sont intéressés au niveau d'études des femmes qui étaient prises en compte pour ce travail. Et ils ont observé que plus le niveau d'études augmente, plus le risque d'être en surpoids augmente, mais seulement dans les pays à faible revenu. À faible revenu. C'est l'inverse qui a été observé dans les pays à revenu moyen. Et pour ce qui est, tu parlais un peu plus tôt là, des facteurs technologie et d'urbanisation. Donc, quels sont ceux que les chercheurs ont étudiés, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Donc, les chercheurs ont par exemple étudié le fait de posséder une télévision, mais aussi la fréquence à laquelle les personnes écoutent la télévision. Donc pour la télé, ils se sont rendus compte que plus la proportion de gens possédaient une télévision dans un pays, plus la prévalence, c'est-à-dire l'obésité féminine augmentait. Ils ont même remarqué que plus la fréquence d'écoute de la télévision augmente, plus aussi l'obésité augmente. Donc les chercheurs, ils ont aussi étudié en termes de transition d'urbanisme, la transition du mode de transport. Ah oui. Et ils ont vu que plus les gens utilisaient des voitures dans un pays, plus l'obésité augmentait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que si on combinait le fait d'avoir de plus en plus de voitures dans le pays et des fortes fréquences d'écoute de télévision, on avait d'autant plus de risques d'obésité. Mmh. Bah, finalement, ça ressemble un peu à ce qui se passe aussi chez nous. Il y a certainement, on retrouve ce phénomène-là aussi. Et est-ce que les chercheurs ont étudié d'autres facteurs de transition technologique? Oui, alors il y a un dernier facteur qui a été pris en compte dans cette étude, c'est la transition d'emplois agricoles vers des emplois de service. Ouais. Des emplois où on a moins de demandes physiques, par exemple un emploi de bureau versus un emploi dans l'agriculture. Ouais. Donc les chercheurs, on rapporte que, en effet, dans les pays où cette transition d'emploi est plus importante, vers des emplois agricoles vers des emplois de service, on observe une hausse de l'obésité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Est-ce que ça donne des éléments pour essayer de redresser la situation? Alors oui, donc les chercheurs de cette étude proposent de cibler dans les politiques de prévention certaines catégories de la population en fonction de la situation économique du pays. Ils préconisent de faire déjà la distinction entre les pays à faible revenu et à moyen revenu, comme ce que j'expliquais précédemment. Et donc les groupes cibles pour la prévention du surpoids et de l'obésité dans les pays à faible revenu économique seraient les personnes à plus haut niveau d'études, alors que dans les pays à revenu moyen, ça va être l'inverse, les personnes à plus faible niveau d'études. Mmh. Donc on voit que l'environnement, ça semble jouer un rôle clé dans l'augmentation du nombre de femmes obèses quand même dans ces pays en transition. Ouais, c'est bien ce qui est mis en avant dans cet article. Là, on est sur une étude économique d'observation et non une étude qu'on dit étiologique, c'est-à-dire qui dresse le constat. Donc là, on est sur une étude qui dresse un constat, et non un lien de cause à effet entre la transition économique et l'obésité. Mais les études qui sont vraiment nutritionnelles, et les spécialistes, les chercheurs en épidémiologie, en nutrition, mettent également en avant que l'évolution de l'environnement, comme les changements de transport par exemple, influence vraiment le risque de surpoids et d'obésité. Donc il reste encore pas mal de choses à expliquer pour bien comprendre cette transition, notamment regarder plus en détail les changements de comportement alimentaire. Et donc, par exemple, la qualité de l'alimentation n'a pas été vraiment étudiée ici. Et donc, on sait que les aliments, des aliments transformés riches et plus riches et plus gras arrivent aussi. Le Coca-Cola arrive partout dans ces pays-là. Hein. Donc, voilà. Mais bon, les chercheurs, ils restent quand même optimistes et ils pensent qu'en ciblant des groupes de population, en adaptant les méthodes de prévention qu'on a développées dans nos sociétés occidentales, on pourra limiter l'évolution de la proportion de personnes obèses dans ces pays émergents. Mais cependant, dans nos pays, on n'a pas encore trouvé la recette pour enrayer le problème de l'obésité chez nous. Alors, est-ce qu'on peut vraiment donner un conseil aux autres? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, on a au moins des pistes qui sont certainement applicables dans ces pays-là, puisqu'ils sont maintenant touchés. Et je ne sais pas, cet article-là, tu parlais essentiellement des femmes. Est-ce qu'il n'était pas question des hommes dans l'article? En fait, cet article-là s'est concentré sur une population féminine, car les données étaient recueillies dans une autre enquête démographique qui étudiait la santé des femmes en âge de procréer. Ah, d'accord. Donc, c'était une enquête plus large, là. D'accord. C'était une sous-étude. Mais c'est sûr que les auteurs soulignent bien que ce n'est pas généralisable à toute la population féminine et encore moins à toute la population générale, puisqu'on n'est que sur... C'est ça, ça exclut pas que... Ça ne veut pas dire qu'il y a juste les femmes qui sont sujettes à l'obésité dans ces pays-là. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Valérie.